Un vrai maître, c'est quelqu'un qui se maîtrise lui-même. Puis il va jamais te dire quoi penser. Tu sais, il propose, puis toi, tu disposes.